Les billets sont en vente maintenant. Appelez le 1-855-790-1245 ou visitez evenco.ca. Ne manquez pas le groupe iconique Mogwai, le 11 mai au Métropolis, présenté par Greenland et Evenco. Timber Timber présentera Hot Dreams, son cinquième album studio, en direct du Métropolis le 19 septembre 2014. Sur Hot Dreams, Timber Timber brosse un tableau haut en couleur composé à l'aide d'une palette truculente, fébrile et angulaire. Des critiques dithyrambiques de la part du Guardian, du Huffington Post, d'Exclaim et de plusieurs autres médias ne font qu'accroître l'excitation en prévision de la rentrée montréalaise du groupe. Via information au popmontréal.com. Ici Sarlid, vous écoutez CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Bienvenue à l'émission Le Terminus, émission du lundi 14 avril, dernière émission avant les vacances d'été. Oui, je vous disais la semaine dernière, j'aurai un remplaçant pour les deux dernières émissions de la saison. Et ensuite, l'émission fait relâche pour l'été et de retour à l'automne prochain. Ce soir, dans les sélections musicales, il y aura une assez grande variété. Comme d'habitude, il y aura, pour donner un petit aperçu, du Field Mice, du Solids, du Valentine et également du Wee Moldy Peaches à la fin. La liste complète sera disponible sur le CISM893.ca justement à la fin de l'émission. On débute maintenant avec Weird Girl, qui est un trio rock garage de l'État du Kentucky, aux États-Unis. Ils ont une nouvelle chanson qui sortait il y a 3 semaines sur leur page Bandcamp, weirdgirl.bandcamp.com, assez facile à retenir. On écoutera par la suite, la chanson va s'appeler, elle, The Wind by the Water, et ce sera suivi de la formation Dream Pop Star Horse. Donc on commence avec Weird Girl, The Wind by the Water, à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Oh que oui, c'était Triángulo de Amor Bizarro, qui est probablement mon groupe espagnol et même hispanophone préféré. Le groupe sortait en début d'année, Victoria Mystica, un album qui sonne un peu comme ce qu'on vient d'entendre, Shoegaze Noise sur les limites, là, un album que Sonic Youth ou Jesus and Mary Chain n'auraient sûrement pas renié. Donc la chanson qu'on a entendue, elle se retrouve sur leur album Año Santo, qui sortait en 2010. Et la chanson, elle s'appelait El Radar al Servicio de los Magos. Juste avant, c'était le groupe suédois Dream Pop Star Horse avec la chanson Stranger. On avait débuté ce premier segment avec la formation Weird Girl, The Wind by the Water. On continue maintenant avec une nouveauté, la formation Night Flowers qui sortait la semaine dernière un premier EP, quatre chansons je crois, EP qui s'appelle Night Flowers, porte leur nom. On écoute le premier extrait pour lequel il y a un très joli clip qui a été tourné, chanson qui s'appelle Amber. On écoute ça sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Field Mice avec Sensitive, un titre qui se retrouvait en 1989 sur une compilation de Sarah Records et de Field Mice, groupe de Londres, ont existé entre 1987 et 1991, mais ils auront quand même eu le temps de sortir à peu près, je pense, 3 ou 4 albums, et ils auront été, durant leur courte carrière, un des groupes les plus populaires du label Indie Pop Sarah Records, qui était connu à l'époque là, comme un label qui sortait assez fréquemment des fanzines avec des flexi-disques, oui, des petits disques mous sur lesquels on peut imprimer de la musique qui se met sur un tourne-disque. Malheureusement, ça n'existe plus, mais il me semble que ça revient tranquillement, ouais, les flexi-disques, surveillez ça. On va continuer avec maintenant quelque chose d'un peu plus récent. On revient en 2013 cette fois-ci avec un groupe de la Nouvelle-Orléans. Il s'appelle My Father's Rifle. On écoute la chanson Flowers sur le 89.3 CISM, l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Flowers for my friends. Thank you. Oh, c'est trop. C'était quasiment un disque qui sautait, mais non, le disque est revenu en place in extremis pour continuer à jouer. On venait d'entendre Roswell Kid On Macho de l'album du même nom. On Macho sortait l'année dernière et Roswell Kid, ça fait beaucoup penser hein, à du vieux Weezer, ouais, comme dans le temps du slacker rock, comme du vieux Weezer. C'était précédé avant ça des héros locaux Solids qui ont joué plusieurs quand même spectacles dans les dernières semaines à Montréal. Le dernier, c'est au Il Motoré lundi dernier, en première partie de Cloud Nothings, et ils ont quasiment donné une meilleure performance sur scène en fait. Ils semblaient être plus heureux d'être sur scène que Cloud Nothings, et à deux seulement sur scène, ils occupaient plus de place, donc imaginez comment c'était bon. Solides en spectacle, c'était vraiment à découvrir ou à voir si c'est jamais été le cas de votre part de les voir sur scène. J'espère que vous avez compris ma dernière phrase. Enfin, on retourne en musique en français cette fois-ci avec du Julien Gasque, qui est un membre d'Aquaserge, qui nous a lancé cette année, l'album « Serre, biche et fan ». Duquel j'ai choisi la chanson « Le sexe domine ». Et vous entendrez par la suite la musique de Valentine, de la formation également Ikara Colt et finalement d'Escar Mika. Tout ça, ce 4 soirs-là, sur les ondes de CSM à l'émission Le Terminus. Le sexe domine et plein de chaos. Arborant ses plus belles couleurs, le pain et le coït quotidien. Il faudra penser à ses chats d'un cerveau lucide quand il y a des places. Les mots C'était Escarmica avec les grands Vangueul Blanc de l'album Animaux Noirs que le groupe nous a offert au printemps 2012. C'était sorti ça, un petit peu nulle part, cet album-là. Et en fait, le groupe, est, après l'avoir sorti, l'album est retourné dans sa tanière parce que, à comprendre l'histoire, c'est que l'album a été créé alors que le chanteur du groupe se trouvait en Europe et le reste du groupe ici, au Québec. Et c'est resté comme ça là, jusqu'à maintenant. Donc, difficulté un petit peu pour le groupe à faire de la promotion pour l'album, également à faire de la nouvelle musique. Mais on espère toujours entendre des nouvelles d'Escarmica parce que c'est un excellent groupe rock francophone. Avant également Escarmica, il y avait la musique de Ikara Colt avec la chanson At the Lodge. On avait aussi avant ça Valentine, des filles qui trippent pas mal sur Courtney Love avec la chanson Finch. Et on avait débuté le segment avec Julien Gasque, Le sexe domine. On continue avec un trio de Winnipeg, oh oui, de l'Ouest canadien. Il s'appelle The Unbelievable Bargains. On écoute Grandma Can Find Her Glasses sur les ondes de CISM. Is what I need. great. I used to like to complain, but hey, I'm starting to feel okay. Lucky number nine, hooray. Bloody Mary, mother of God. Grandpa's on the hobby horse again. Running out of ethnic friends, but hey, I'm starting to feel okay. Lucky number nine, hooray. Lucky number nine, hooray. Lucky number. Ensemble, Lucky Number 9 des Moldy Peaches. Il s'agissait d'une version alternative de celle qui se retrouve sur leur album, en fait, version qui accompagne, version qui se retrouve dans le clip que vous pouvez trouver sur les YouTube. Le YouTube, donc Moldy Peaches, Lucky Number 9. Reste à l'écoute dans quelques instants. Roman Louin sera avec vous pour son émission Nous sommes les rockers. Excellente émission, restez là. Dans quelques instants également, c'est la liste des chansons que vous venez d'entendre qui sera disponible sur le CISM893.ca. Il y a toujours les archives de l'émission sur leterminus.ca. Je l'avais annoncé au début d'émission, c'est la dernière émission avant les vacances d'été. Mathieu Saint-Jean, animateur de la Courbe 2.0, sera en votre compagnie pour les deux dernières émissions de la saison d'hiver. Déjà, j'ai vu ces sélections pour la semaine prochaine. Ça s'annonce très, très bon. Quant à nous, on va se retrouver l'automne prochain. Donc, l'été, ça sera sans le terminus. Mais on va peut-être se revoir, se réentendre dans les courants prochaines semaines quand même. Enfin, c'est à suivre. Sinon, retour l'automne prochain. On va se quitter avec le rock lourd, rock pesant de Karl Marx. Chanson instrumentale, ça sera la pièce The Fucking Ocean de Karl Marx. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se reparle bientôt. Je vous souhaite une très bonne été. Ciao! Bombay Bicycle Club. Le 4 mai, au Théâtre Corona, Virgin Mobile, avec invité spécial Royal Canoe. Billets en vente maintenant via evenco.ca. Bombay Bicycle Club, le 4 mai au Théâtre Corona, Virgin Mobile. Nouvel album So Long, See You Tomorrow, disponible maintenant. Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Oh, que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matin de 7h à 9h. Oh, que c'est la magie de MCG! Yes! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi, Binorman Amour, on va être là. Soyez-y! Pour oublier le passé et le futur, allonge-toi dans la forêt. Écoute Dextropropogy Finsmack le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille? Yeah. Le rappeur le plus hot en Amérique du Nord sera à Montréal. Trinidad James. En concert, samedi le 19 avril lors de la longue fin de semaine de Pâques au Petit Olympia, situé au 1282 rue Amherst. C'est une soirée à ne pas manquer. Party, défilé de mode, mannequin, EMG de Toronto ainsi que Cash Knife avec DJ Cream et Red Bread. Bien vendu, Hop the Hook, High Times, Orlando Styles et RickyDEvans.com. C'est à ne pas manquer, Trinidad James. En concert au Petit Olympia, samedi le 19 avril. C'est avec une envolée de paillettes que Grosse Boîte présente Rond-Point, le tout nouvel album de Canaille en magasin et en ligne dès le 15 avril. Ne manquez surtout pas votre chance d'assister au lancement le 17 avril prochain au cabaret du Myland dès 21h30. On vous y attend. Billets en vente au 33 tours à l'oblique et via lepointdevente.com.